Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Shows de balcon, parades, pop-up artistiques diffusés en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste et plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de Choc.ca. Le Septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose, grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. On est déjà filé comme une bombe. Je sais même plus de quoi j'ai envie. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquins et la seule radio poubelle homosexuelle de gauche, ainsi que le meilleur podcast de Montréal. Ben oui, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, ça. Mon nom est Jess PVN, bipolaire, concierge, sobre, non-binaire, comme d'habitude, et j'ai décidé de partir un équivalent de gauche de la meute. Oh. Ça va s'appeler l'auberge du chien noir. Daniel! C'est cœur, hein? Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Charlie Morin, puis au moment de diffuser cet épisode-là, on est probablement dans la sweater-weather, la mi-saison, mm-hmm. Le petit confortable à comme 12-15 degrés, où tout le monde est heureux, profitez en ça doit deux semaines, les pluies diluviennes et glaciales s'en viennent, oui. L'hiver de 6 mois, la déprime, vous avez écœuré toute la cité d'été avec cette température parfaite-là, enjoy-la mes calices. Donc si je comprends bien, t'as trouvé une nouvelle job as a cheerleader. Ouais, okay. C'est ça. On n'est pas tout seul! On n'est pas tout seul! On est avec... Mathilde Capone, réalisatrice du documentaire La Fabrique du consentement, 2. Regard lesbo queer. Allô Mathilde! Allô! Ça va? Oui, ça va. Merci de m'avoir invité. Je suis comme trop contente d'être avec vous autres. Oh my god. Yes. Nous autres, on aille ça, le monde content, parce que ici, ça va tout le temps mal. Oui. Oui. Ma vie. C'est un peu off-brand, là. Ouais, ouais, ouais. Nos vies sont des tragédies dont nous ne sommes que des figurantes parmi tant d'autres. On n'est même pas in control. Ouais. Coincé dans une prison de chair. Complètement powerless. Et pourtant, ça donne envie de venir à votre émission. Yes! Quand même, c'est relatable. Ben, de malheur, c'est tout relatable. Ça, tout ça. De malheur, c'est relatable as fuck. Donc, super, on va méta-converser avec Mathilde sur comment on parle de consentement comme communauté pour ensuite parler de ce que la communauté lesbo-queer a à nous apprendre sur la pratique du consentement et conclure avec ce que les cis-gays ont à nous transmettre sur leur exercice de négociation sexuelle, eux autres aussi. Alors, d'ici là, on va aller voir le petit barista cute au Starbucks dans le village pour savoir s'il consent à ce qu'on lui fasse un latte spécial 2 fifs le matin. Je vous laisse imaginer ce que c'est et on revient dans 20 secondes. Over-caféiné. Yeah. Évidemment, tout ça n'était qu'une excellente blague. On harcèle pas les gens sur leur lieu de travail. Ils sont pas nés là, ils sont payés au salaire minimum. Ils sont pas là pour accueillir aucune de nos avances. On l'a laissé, on a juste pris nos latés, on a fermé nos gueules, on est parti, on regarde à terre. Ouais, ouais. C'est ça qui s'est passé en réalité. Dans la honte et la déception du rejet. Oui! Alors, Mathilde, quelques questions d'abord sur ton documentaire, avant de se pitcher sur le jasage dans sur le consentement. D'ailleurs, faut que je le mentionne, vraiment un bon documentaire. Bon, hey, yeah. Hey, for real, on va se le dire, là, j'ai l'écouté hier, j'étais pas du tout dernière minute pour la préparation de l'épisode. Puis sérieux? T'as aimé ça? Good job! Bon. Good job! Yeah. Ouais. C'était vraiment bon. J'ai rêvé des marionnettes cette nuit. Non! Oui. Oh! Wow! Elles étaient-tu comme dans le film? Oui, oui, oui. Là, c'était ces marionnettes-là. Parce que pour les gens qui ont probablement pas vu ou qui ont malheureusement pas vu, en fait, le documentaire La Fabrique du consentement, il y a des petits intermèdes avec des marionnettes qui se touchent ouais. et se tripotent et avec des voice-over mm-hmm. qui mm-hmm. nous expliquent grosso modo où est-ce qu'on est, de quoi on parle. Ouais. Mm-hmm. Et ça ajoute. C'est une plus-value, je pense. Tout à fait. Puis j'en ai rêvé. Bon, j'en écoute, ai rêvé. Des marionnettes qui font rêver. Ouais, ouais, ouais. Pas mon usual wet dream. OK, fait que La Fabrique du consentement regarde lesbo-queer. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le choix du terme lesbo-queer pour décrire la communauté représentée dans ton documentaire? Ouais. Ben, je suis vraiment contente que vous me posiez cette question-là puis que ce soit vous qui me la posiez parce yes. que c'est, on a eu beaucoup, beaucoup de réflexions autour du titre. Ça a été très compliqué de déterminer le titre de ce film, on s'entend. Je me suis dit clairement, ça n'a pas juste été drop-là puis tout le monde a fait « oui, c'est beau ». Absolument là. Pas. Okay, on en a beaucoup discuté. Il y avait comme plein de titres qui avaient été soumis. J'ai fait un genre de sondage avec toutes les personnes qui avaient participé au film. Uh-huh. Fait que toutes les gens ont pu s'exprimer sur « Ah, plutôt ce titre-là, ah non, plutôt celui-là, etc. » Et je suis arrivée à cette conclusion qui faisait comme le plus consensus. Ouais. Moi, j'adore le terme « lesbo-queer ». C'est un terme que j'avais jamais entendu avant. Alors, peut-être qu'il était utilisé avant, je sais pas, mais moi, je l'avais genre jamais entendu. Et je pense que ça représente une tension que moi, je vis, mais aussi que je peux repérer chez des amis ou dans ma communauté en général, sur le fait qu'on est vraiment au milieu. On est au milieu des communautés lesbiennes et des communautés queer, en fait. Ouais. On est à la fois super attachés à l'histoire, à la narrativité, puis aux luttes lesbiennes. Mm-hmm. Puis notamment cette espèce d'existence dans les années 80, d'un genre de mouvement lesbien autonome. On aurait toutes voulu comme, être à cette époque-là, puis comme, voir même ça comme, émerger, mettons. Oh, oui. Et en même temps, on reconnaît que le terme lesbienne, il est teinté de différentes problématiques, oui. notamment le fait que il y a eu plusieurs communautés lesbiennes à travers l'histoire qui n'étaient pas transinclusives, notamment vis-à-vis des femmes trans, puis aussi de certaines personnes transmasculines. Fait que pour moi, c'est je suis aussi beaucoup attachée aux identités, aux réflexions, aux théories queer. Oui. Et aussi à qu'est-ce que le queer a amené aux communautés lesbiennes comme champ des possibles, mettons. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour moi, il y a quelque chose dans le terme lesbo-queer qui fait référence aux deux, qui vient dire oui, on est lesbienne. Puis oui, on est attachée à ça aussi parce que c'est trop pas glamour d'être lesbienne dans la communauté queer encore aujourd'hui, hélas. Ouais. Mais aussi, on est comme, ben, ce terme-là, pour nous, il doit être trans-inclusif. Il doit être inclusif des femmes trans, mais aussi de certaines personnes transmasculines qui continuent à se situer sur un spectre de guinitude puis qui ont encore envie d'être identifiées. Oui, mais c'est ça. Il y a plein de gens qui ne s'identifient pas nécessairement comme lesbiennes, mais qui sont très attachés à la culture lesbienne, à l'imagerie lesbienne puis à tout ça. T'sais. Fait que je trouvais ça cool tout aussi, un terme qui genre recoupe ça de manière inclusive. Oui, tout à fait. Fait que c'est un peu l'objectif de ce titre-là. C'est pas pour ramener ça à moi, mais comme moi, je suis non-binaire, mais genre, mon expression de genre, c'est quand même une tapette. Genre, je veux garder cet aspect-là. Genre, j'ai pas l'intention d'avoir juste une espèce d'identité floue dans le milieu. Je suis comme dans une tapette, là. Not sorry, mais je m'identifie plus comme moi, la question que j'avais, c'est... le documentaire, on voit énormément de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ça. Et de ce que je comprends, tu me diras si je me trompe, mais ces personnes-là récitent, je mets des air quotes, des passages d'entrevues radiophoniques. Est-ce que c'est ça? Ou audio, à tout le moins? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un processus, ça a été un processus assez long, ce film-là. Ouais. Moi, j'ai réalisé 13 entrevues audio, donc non filmées, mm-hmm. avec 13 personnes, à la fois en France, puis ici, dans ce qu'on appelle le Québec. Mm-hmm. Et j'ai retranscrit ces entrevues-là, qui duraient de 1 à 3 heures à peu près. Wow. J'ai sélectionné les passages que je trouvais pertinents. Je les ai mixés les unes avec les autres. Et ça a servi de base à l'écriture de la trame du long métrage que vous avez vu. Oui. Donc, en fait, moi, j'ai redonné un texte à des personnes qui sont aussi de la communauté lesbienne queer parce que les premières entrevues, c'était aussi évidemment des personnes de la communauté lesbienne queer. Ben oui. Et les gens, du coup, avaient un texte. C'était des acteurs-actrices qui y rejouent ce texte-là. Évidemment, les gens ne sont pas d'accord avec le texte qu'elles disent. Oui, on s'entend. En général, soit ça fait référence à leur histoire, soit ils sont d'accord avec ça, soit ça leur allait de porter ce message-là publiquement, évidemment. Ouais. Mais en effet, c'est des textes que les personnes rejouent. Et pour moi, c'était vraiment intéressant de faire ce processus-là parce qu'il y avait un jeu au niveau de l'anonymat, en fait. Oui. Ouais. Avec le fait que c'est tough de prendre la parole quand t'es lesbienne queer. C'est tough aussi de parler de sexe, en général. Oui. Mm-hmm. Et donc, il y avait un enjeu sur l'image, tu sais, avec le film, comme d'être identifié aux paroles que tu dis. Fait qu'il y avait comme un truc de protection des gens. Mm-hmm. Mais aussi pour moi, je voulais sortir d'une genre de lecture individualisante des propos, tu sais. Je voulais aller vers... Mais c'est une communauté qui nous parle, c'est une collectivité qui nous parle. Parce qu'on est souvent beaucoup dans le témoignage personnel. Tout à fait. Ce qui n'est vraiment pas une mauvaise chose, mais on le voit beaucoup. C'est ça. Mais qui est difficile à porter aussi, tandis que là, quand tu... c'est un peu comme si tu brassais les cartes puis que tu les redistribuais, puis que les gens faisaient juste comme porter le message, tu sais. Exactement. Et moi, mon idée, c'était de dire, je veux pas qu'on s'attache au visage des gens, je veux qu'on écoute les propos qu'ils sont en train de dire, tu sais. Puis que ça soit pas comme, à telle personne est associée à telle phrase, mais pourquoi, Ouais. Je sais que ça déroute beaucoup de gens, là. En général, tout le monde ne se rend pas compte de cette donnée-là, du fait que c'est des acteurs-actrices. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils s'en rendent compte à la fin du film ou après, parce que d'autres gens leur disent, ils sont comme, mais voyons donc. Fait que c'est comme, c'est intéressant quand même ce processus. Puis aussi, tu sors du cadre du documentaire où tu as tout le temps comme un petit name tag en dessous de comme le nom complet de la personne, genre son rôle et whatever. T'sais, là, c'est juste des gens qui sont pas nommés par leur prénom, que c'est juste comme dans des cadres différents. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant parce que, puis en aucun cas, je blâme les dénonciations qui se passent en ce moment, c'est important que ça se fasse, puis c'est très bien, mais on a beaucoup l'impression que la culture du consentement, la culture du viol, comme je le disais, c'est beaucoup des témoignages individuels. C'est aussi, le mot le dit, c'est une culture, c'est un concept, le consentement, c'est important. Puis le fait, justement, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais vraiment aimé, de désindividualiser ça, c'est qu'on reste attaché au concept, puis à ce qui est possible de vivre comme évolution à travers la déconstruction de la culture du viol pour le profit de la culture du consentement. Non, puis aussi, quand il y a des outbursts de parler de culture du viol, c'est parce qu'à un moment donné, cette violence-là devient insoutenable et les gens ont besoin de prendre parole publiquement pour en parler. Mais tu sais, c'est vrai que de prendre le temps puis l'énergie, ça va être un super long processus faire ce film-là. Oui. Fait que c'est long aussi de travailler à comme mettre en place des trucs pour mettre en lumière une culture du consentement différente, tu sais. Tout à fait. Et à la fois, c'est complètement passionnant. Moi, j'ai adoré faire les entrevues avec les gens, comme les entrevues non filmées, c'était une de mes parties préférées du processus. En fait, c'est comme écouter les histoires des gens, voir en quoi ça résonnait avec d'autres choses que j'avais entendues ou lues, comme extirper des données puis des idées de ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Combien de temps de, genre, le moment où t'as commencé à contacter des gens pour des entrevues puis à mettre sur pied ton processus puis le moment où le film était prêt? Je dirais 3 ans. Waouh! Quand même! Trois ans! Trois ans et beaucoup de travail à temps plein là-dedans, sur le film. Ah ouais? Ouais. Puis, je me doute de la réponse, mais je vais poser la question quand même. T'es-tu comme une équipe de montage où tu t'es vraiment tapé à job, là, de... Alors, le montage, faut savoir que la post-production, c'est beaucoup d'étapes. Moi, c'est la première fois que j'ai fait un film avec toutes les réelles étapes de post-production, en fait. Donc, le montage, si on parle du montage vraiment image, c'est moi qui l'ai fait. Okay. Et j'ai eu des personnes qui sont venues m'aider à quelques journées, donner des conseils, etc. Ouais. Mais sinon, moi, le montage image, c'est moi qui l'ai fait. C'est DIY all over. Ouais, tout à fait. Et après, par contre, le montage sonore, ça, c'est comme une amie qui a fait toute la job du montage sonore. OK. Ouais. Fait qu'à la lumière de ce que tu viens de nous partager sur la conception de ton documentaire, tu penses que ce serait quoi des éléments clés pour ouvrir une conversation de communauté sur un sujet tough comme le consentement? Ben, je pense que c'est une question assez vaste, puis je dirais comme plein de petits éléments clés, mettons, que je pense qu'ils sont importants. Pour moi, il y a vraiment besoin de bienveillance, mais il y a aussi besoin de beaucoup de vulnérabilisation. Je pense qu'on a besoin de reconnaître individuellement et collectivement les endroits où on a merdé, mais d'accepter aussi de travailler individuellement et collectivement sur ces endroits-là, mettons. Oui. Fait que ça, je pense que c'est comme c'est une question qui est comme primordiale pour moi, à la fois la bienveillance, mais aussi comme la responsabilisation et la vulnérabilisation à travers ça. T'sais. Oui. Mais je trouve aussi que de reconnaître que c'est vulnérabilisant de parler de ça, genre en anonymisant les témoignages, mais aussi en mettant un visage sur les gens, ça permet d'avoir accès à une certaine vulnérabilité sans nécessairement mettre ce poids-là sur les gens qui ont vécu telle chose puis qui portent tel message de le faire eux-mêmes, tu sais. Mais c'est intéressant que tu parles de vulnérabilité parce que autant, parce que c'est très présent dans le documentaire, ça revient souvent... parler de sexe, demander qu'est-ce que t'aimes, est-ce que je peux faire ça ou quoi que ce soit, ça demande qu'on apprenne à être vulnérable, qu'on apprenne à parler de ces choses-là, puis qu'on arrête d'être gêné, puis qu'on se construise une pensée dans laquelle on peut discuter de ces choses-là ouvertement pendant, avant et après, avant, pendant et après, dans l'ordre. Et de l'autre côté, c'était présent dans le documentaire, je veux dire, on en a fait des gaffes tous et toutes, on a déjà été pushy, on a déjà été trop loin, on a déjà insisté. On vient tous dans la même culture du viol. Là, oui, c'est ça. Malheureusement, on y échappe vraiment pas. Fait que c'est important aussi de l'autre côté d'être vulnérable puis de dire, ben Oui, j'ai échoué à certains endroits, puis c'est important de le reconnaître puis d'être responsable. Puis c'est très présent dans ton documentaire. Oui, tout à fait. Puis un autre élément, je trouve, qui est pas vraiment présent dans le documentaire, mais qui pour moi est important quand on réfléchit aux éléments pour ouvrir une discussion collective sur la question du consentement, c'est de réfléchir à la place de l'amitié, en fait. C'est qu'est-ce que... Quand nos amis ont merdé, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Oui. Puis comment est-ce qu'on peut tendre vers le fait de diminuer les actes qui ont été dénoncés, quoi que ce soit, plutôt que d'aller vers le fait de confronter ou de mettre une personne en face de ses responsabilités, en fait? Ouais. Puis là, ça, pour moi, ça rejoint la question des rapports de pouvoir aussi qui traversent nos communautés, de dire comme, OK, mais genre... c'est quoi qui est en présence, en fait, quand on parle de sexualité puis qu'on parle de consentement au niveau des rapports de pouvoir? Puis comme là, on a besoin collectivement de réfléchir là-dessus, je pense. Ouais, mais je pense que, tu sais, du soutien mutuel par rapport à ça, puis d'être capable d'être autoréflexif, de se montrer vulnérable, puis aussi de soutenir les autres là-dedans, oui. C'est super complexe parce que moi, je pense que comme communauté, on a de la misère à admettre que on n'est pas capable de soutenir tout le monde. Puis je pense que en termes de... pas de performativité, là, mais de ce que tu montres aux gens, c'est tout le temps plus radical slash respectable de respecter la parole des personnes qui ont survécu à des agressions, puis de concentrer ses énergies là-dessus. Mais dépendamment de... on parle de qui, quand, quoi, si tu connais pas la personne à qui c'est arrivé, mais que tu connais la personne qui l'a fait, je trouve que des fois, il y a comme des dynamiques weird de comme ben, les gens qui ont fait des erreurs graves, très graves, très, très graves, whatever... deviennent des gens dont il faut se dissocier, en fait. Puis ça, c'est compliqué aussi, parce que là, en même temps, ben, si t'es déjà proche de cette personne-là, est-ce que c'est pas non plus, ça fait pas partie de ton rôle de confronter ce qui s'est passé puis d'offrir du soutien, mais en même temps, c'est quelque chose qui paraît mal, souvent, alors que c'est un travail qui est important. Ouais. Je trouve que c'est des tensions qui sont super compliquées à gérer, tu sais. Tout à fait. Puis, ce qui est compliqué aussi avec, justement, le fait de pointer du doigt des individus qui ont des comportements problématiques, même si c'est important de le faire, parce que c'est important de reconnaître qu'il y a des situations problématiques qui ont eu lieu. Ah, oui. Mais ce qui est compliqué avec ça, c'est que quand on le fait, il ne faut surtout pas tendre vers « Ah, ben, dans le fond, moi, j'ai pas été dénoncée, ouf, tu sais. » Il y a comme ce truc-là aussi de dire comme « Non, il faut qu'on change... » collectivement nos pratiques, puis il faut aller vers une culture du consentement qui n'est pas celle de uniquement pointer des individus qui ont des comportements problématiques, mais aller vers une transformation globale et générale de la société. Puis ça, c'est une tension qui est complexe. Parce que ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que les dénonciations, publiques ou non, c'est pas un moyen de déconstruire la culture du viol, c'est une conséquence de la culture du viol. Tout à fait. Puis oui, c'est important de faire cette dénonciation-là parce que souvent, l'idée en arrière, surtout quand c'est des personnages publics, c'est que ces gens-là se promènent et font carrière impunément et on l'a constaté, souvent répètent des gestes graves d'agression, d'harcèlement. Donc, d'où la dénonciation, mais... Puis Gilbert Rozon puis Ticlin dans ton assaut étudiante n'ont pas le même pouvoir, la même influence. C'est pas la même structure de pouvoir. Il y a des privilèges qui peuvent être semblables d'une situation à l'autre, mais je veux dire, on n'est pas Gilbert Rozon pour le commun des mortels. Heureusement, il y en a rien qu'un. Fait que c'est comme tu dis, tu sais, au lieu de te dire « Ouf, je suis pas sur la liste », demande-toi, puis probablement que tu vas trouver un moment, quand est-ce que mon nom pourrait se retrouver sur la liste et pourquoi? Oui, et ça, c'est un peu le défi de nos communautés aussi, parce que si on a, mettons, une lecture à travers une forme de féminisme matérialiste, mettons, c'est principalement quand même des hommes cis qui sont responsables dans la très, très grande majorité des agressions, et les personnes qui sont survivantes sont... soit des personnes queer, soit des femmes, soit parfois aussi des hommes cis. Ouais. Mais cette lecture-là, elle ne nous aide pas à analyser la question de la sexualité dans les communautés queer, en fait. Ouais. T'sais. Ouais. Et donc, il faut développer d'autres outils, d'autres pensées et d'autres skills qui sont adaptés aussi à nos communautés, en fait. Et il faut aussi réfléchir au fait que nos communautés sont déjà à la marge et les gens en ont tellement besoin de ces communautés-là que si tu sors... Moi, je pense qu'il faut réfléchir à la question de l'exclusion temporaire. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des comportements problématiques répétitifs et que ça, à un moment donné, peut-être qu'il faut les sortir de nos communautés. Puis il y a des gens qui ont merdé à des moments donnés parce qu'ils ont grandi dans une fucking culture du viol comme tout le monde. Oui. Ouais. Et il faut travailler à avoir des processus de réparation par rapport à ça, slash de transformation globale. Mais il faut avoir en tête que nos communautés sont importantes, en fait, pour beaucoup de gens, tu sais, oui. qui sont oui. déjà à la marge, en fait. Oui, mais tu sais, ça allait, je vais un peu comme pas à l'encontre de ce que tu dis, mais j'ajoute la réflexion parce qu'il y avait quelqu'un dans le reportage, à un moment donné, quelqu'un qui disait, j'ai tellement réfléchi la question de la culture du viol entre hommes vs femmes que quand ça m'est arrivé en contexte plus lesbien, on dirait que la personne elle disait, on dirait que je le réalise pas. Puis je me demandais ce que tu pensais de ça. Ben ouais, je pense qu'il y a, en fait, c'est, il y a une énorme problématique d'invisibilisation de la violence entre lesbiennes, puis de la violence entre femmes, puis entre queer, en fait. Puis ça... Ah, c'est vrai, je pense, du côté de la communauté gay homme aussi. C'est ça. Alors, c'est comme... Oui, c'est à quelque part beaucoup plus difficile de dénoncer une femme qui nous a agressés qu'un ouais. homme qui nous a agressés, en fait, mm-hmm. tu sais. Parce que, et heureusement, on est en 2020, et là, c'est plus facile, entre guillemets, de dénoncer des ouais. hommes, même si ça reste très compliqué, ouais. à oui, plein d'égards, et les conséquences lourdes, sont souvent lourdes, etc. Mais parler de la violence entre femmes, c'est un énorme tabou, puis ça, c'est très problématique, parce ouais. que c'est pas parce que c'est dans des relations lesbiennes que c'est moins grave. Ouais. T'sais. En effet, puis tu sais, ça rejoint ce que tu disais, qui est aussi, on a tellement besoin de nos communautés que des fois, on... indirectement, on ne veut pas attaquer notre support system, mm-hmm. qui est souvent notre communauté. Mais aussi, ça devient un poids aussi pour les personnes qui ont survécu à des agressions, parce que ah là, ben tu oui. sais que si tu en parles, la conséquence, c'est nécessairement que cette personne-là va se retrouver déliée de sa communauté. Oui. Fait que, tu sais, comme ça ajoute un poids. Oui. Mm-hmm. Ben, peut-être moins maintenant que les processus de justice réparatrice sont un petit peu plus connus. Mais c'est sûr qu'il y a, dans les premières vagues d'agression, si on dénonçait une femme, c'était vraiment plus difficile. Là, mm-hmm. maintenant, je pense que dans nos oui. communautés, il y a une meilleure éducation qui s'est mm-hmm. faite. J'espère, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Dans le monde en général, c'est encore un job à faire, là, mais dans nos communautés, je pense que le sujet fait son chemin. Ce qui me fait penser à un moment donné, dans ton documentaire, il y a quelqu'un qui disait... Que c'était nouveau pour elle, le concept de consentement, que ça faisait peut-être 3-4 ans que vraiment on commençait à en parler puis que c'était vraiment quelque chose. Moi, je me demandais ce que tu pensais. Est-ce que tu penses que c'est si nouveau que ça? Est-ce que tu penses ou que c'était peut-être juste une situation sur laquelle on n'avait pas encore mis des mots? Moi, je pense pas que c'est si nouveau que ça. Je pense surtout que... moi, la question que je me suis posée à travers mon film, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que les communautés lesbiennes et queer ont développé, disons, des pratiques ou des outils subversifs sur la question du consentement? Ouais. Et je me suis dit, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de micro-révolutionnaire là-dedans? Puis la réponse a un peu été oui, mais à quelque part, je suis pas allée chercher n'importe quelle lesbienne non plus. Non. Je suis allée chercher des lesbiennes queer qui avaient une pratique qui était intéressante au niveau du consentement et qui avaient réfléchi à ça. Et en fait, qui étaient à l'orée de plein d'autres cultures, qui étaient souvent des féministes. Ouais. Qui étaient souvent des personnes qui pratiquaient le BDSM, qui étaient souvent aussi des anarchistes, en fait, oui. qui étaient souvent des gens d'une culture de lutte plus vaste, tu sais. Et ces personnes-là, je tiens à le dire, ont développé, oui, des outils sur la question du consentement depuis plusieurs décennies, je dirais, tu sais. Alors, ce mot-là, il est beaucoup plus à la mode aujourd'hui parce qu'il y a eu différentes vagues de dénonciations, puis parce qu'il y a eu beaucoup de combats et de luttes et de groupes qui se sont positionnés là-dessus puis qui ont fait avancer les choses. Oui. Donc, je dirais pas que ça fait 3-4 ans, mais peut-être que ça fait 3-4 ans qu'on en entend plus dans les médias de masse puis dans les sociétés plus mainstream, mettons, je crois. Mais nos communautés, on en parle depuis des années, en fait. Ouais. C'est parce qu'on dit ça, tu sais. C'est fou parce que tu parles des gens que t'es allé voir pour ton documentaire. Puis tu sais, ça fait penser au mime, tu sais, le mime, là, talking about gender with trans people. Puis là, c'est genre une espèce de peinture de voir deux philosophes qui se promènent, genre en Grèce antique. Puis talking about gender with cis people. Puis c'est genre, t'es avec un enfant, puis tu lui montres des formes géométriques. Tu sais, mais j'ai l'impression que ça, c'est, tu sais, en communauté queer, genre à l'orée de comme d'autres communautés puis d'autres luttes versus genre tu sais pour vrai les gars straight là c'est un passage obligé là tu sais il faut qu'ils connaissent comme les lignes rudimentaires mais tu sais je sais souvent là quand tu vas aborder le sujet même avec des gens super politisés tu sais ça va être un peu un truc de comme ok ben tu sais pour ma survie j'ai appris que oui c'est oui puis plus que non c'est non mais tu sais comme moi il y a en tout cas je connais j'ai des amis qui sont des filles straight. Puis... Oh oui, des vrais hétéros. Puis, j'ai souvent entendu des trucs de comme, moi, je couche plus avec des militants, là. C'est trop gossant, là. Parce Ouais, parce qu'ils vont trop être dans un truc de comme, OK, mais là, t'es sûr? OK, mais là, ça va... Tu sais, dans un truc pas capable de comme d'avoir une pratique du consentement qui est empathique, puis genre, est-ce read a room, puis être capable... Guilt? Je sais pas, mais tu sais, vraiment dans un truc de comme, tu sais, t'apprends un peu pour une conne, là, ouais. tu penses qu'elle fait quoi, là, comme, oui, je veux fourrer, là, tu sais, genre, c'est pas un truc de comme, veux-tu fourrer ou pas, là, ça va plus loin que ça, là, tu sais. Ouais, parce qu'il y a eu un moment donné où, surtout les hommes, on commençait à s'imaginer qu'il fallait signer des contrats, puis tout à l'heure, il y a pas personne qui demandait ça, puis il y a plein de gens qui ont parlé des consentements non-verbaux, des consentements, on va en reparler plus loin, mais je pense qu'effectivement, il y a eu un espèce moi, je suis jamais contre que les straights aient peur un petit peu. Ça me dérange pas. Ça peut pas faire de tort. Mais une fois de temps en temps, l'idée, c'est pas de créer un régime de peur non plus. Non, mais on en sprinkle ici. Oui, mais tu sais, c'est ça. Après ça aussi, il faut quand même amener ça comme étant une culture puis une façon d'agir et non pas juste une peur et un acte militant à performer. Ouais, mais aussi, à un moment donné, ça devient chiant, genre, d'avoir à leur faire comprendre que il faut qu'ils s'intéressent genuinely, puis ça prend vraiment de l'empathie, puis que tu sois capable de t'investir dans le processus, puis que c'est pas juste comme pour rester un militant superstar, il faut que tu sois capable de sortir ces lignes-là, tu sais. C'est clair. Mais l'empathie, mais aussi de la subtilité, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça, le consentement, c'est pas juste quelque chose de grossier, en fait, tu sais. Puis c'est pour ça que la ligne, elle est fine, en fait, puis qu'il faut réfléchir à ça, tu sais. Oui, oui, puis je comprends aussi les gens qui... que des fois, beaucoup de questions... Ça peut devenir un truc de comme, OK, tu peux aussi revirer le truc puis dire, ben moi, je vais le dire s'il y a quelque chose, ça va, tu sais, ou comme... Ouais. Mais que c'est vrai que ça peut être un peu off si les trucs sont présentés de manière un peu trop gros, mais en même temps, c'est juste dans un truc de comme, ben, tu t'habitues, tu cernes, tu comme, tu sais, mais ouais. Justement, c'est un travail de faire ça, tu sais. Mm-hmm. Sur ce, on va aller se prendre un petit café. Ah oui. Bonne et on vous revient dans 20 secondes au beurre caféiné. À tantôt. Ouais. Fait qu'on est de retour avec Mathilde Capone, réalisatrice, et on se demande plus précisément ce que l'expérience lesbo-queer de la sexualité et du consentement a à apprendre au reste du monde. Ooh. Fait qu'on va se faire un petit segment lesbien, puis après ça, on va être back on our faggot bullshit, puis là, on va... Ben, parce que je veux dire, il faut quand même recentrer les hommes cis dans le discours. Oui. Que... quand même, là. Non, mais les grands oubliés de la communauté LGBT. I love chaos. fait, comme il y a très peu de représentation de sexualité par et pour des femmes queer en général, est-ce que c'est libérateur ou est-ce que c'est épeurant? Mais je dirais que c'est les deux. Ouais. Je dirais que évidemment c'est libérateur parce que moi, le film que je propose, il n'est pas centré... Tu sais, on a quand même beaucoup parlé d'agression dans l'émission, mais oui. Il n'est pas vraiment centré sur les agressions, en non, fait. Non, c'est il ça. Est beaucoup plus centré sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir du bon sexe, comment est-ce qu'on peut se doter d'outils collectivement pour développer des sexualités plus épanouissantes. Ben, d'où le... Je veux dire, je ne vais pas faire l'intellectuel, mais d'où le titre, La fabrique d'où du consentement. Titre. C'est ça évidemment, que ça dit. C'est ouais. Ça. Est-ce que tu intello, tabarnak? Ah, je suis de même, je suis de même. Jess PVM exégète. Fait que, tu sais, je pense que c'est hyper libérateur parce que, hélas, encore en 2020, on est hyper invisibilisés, lesbiennes, et on est encore une minorité qui est très mal représentée. Et par le très mal représenté, je tiens à dire qu'il y a très peu de visibilité dans les médias où ce sont des lesbiennes qui prennent la parole pour des lesbiennes. Ouais. Donc, il y a vraiment un vrai problème de qui parle pour qui. Ouais. Y en a absolument marre des hommes cis straight qui font des films pour parler de réalité lesbienne. Ouais. Ça, en fait, c'est non. Ouais. Si vous voulez penser à faire un film et que vous êtes just un homme cis straight, juste le faites pas, ouais, en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Comme, il faut qu'on soit plus capable de prendre la parole, mais aussi financé pour les projets qu'on a envie de faire. Il faut que ça cesse, en fait, que ce soit d'autres personnes qui prennent la parole pour nous. Fait que je pense que, oui, faire un film par et pour des femmes queer, des femmes lesbiennes, ou des personnes qui se situent sur le spectre lesbo-queer en général, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de libérateur, en fait, ouais. De prendre la parole, mais aussi de montrer ces voix-là à l'écran. Ça me fait penser, parce qu'on disait, on commençait la question par « il n'y a pas beaucoup de représentation de la sexualité lesbo-queer ». Un point qui a été amené dans le documentaire que j'ai vraiment aimé, c'était « c'est vraiment facile d'accuser la porn, de nous montrer le mauvais exemple, puis de coloniser notre imaginaire comme si c'était la pire affaire au monde, mais ça a été beaucoup mis en lumière dans le documentaire. Les films, les téléséries casual nous montrent des situations de viol ordinaire, genre à journée longue. On voit plein de gestes qui sont vraiment extrêmement insistants et invasifs, puis on nous fait croire que la femme là-dedans est super heureuse, épanouie, puis qu'elle attendait rien que ça toute sa crise de vie. Il y a un peu une hypocrisie dans le fait de toujours accuser la porno. Alors qu'on n'a pas le même rapport au film des rom-coms qu'on va regarder versus de la porn. Quand on regarde la porn, on sait qu'on regarde la sexualité mise en scène rémunérée ou comme tout a été seté d'avance. Tandis que c'est vrai qu'avec la fiction, il y a plus un truc de chercher à faire vivre des choses ou à représenter des choses qui vont comme... plus c'est cheesy, plus ça nous pogne en dedans. Mais I wish it was me. T'sais, pour nous faire rêver, genre. Puis on nous fait rêver avec d'affaires fucked up. Mais c'est vrai que c'est fondamentalement problématique d'accuser certaines branches plutôt que de voir qu'en fait, c'est toute la culture mainstream qui est imprégnée, en fait, de la fétichisation du non-consentement et du fait que c'est tellement beaucoup plus hot de montrer comme genre des images d'un gars qui va genre plaquer une fille contre un mur puis genre comme faire je sais pas trop quoi avec, mais comme en tout cas genre rien lui demander, tu sais, puis t'es comme ok, genre je pense qu'on n'est pas rendu à montrer ça à l'écran sans dire que c'est un viol. Je suis désolée, genre, il faut que ce soit nommé à quelque part dans le film que ce que tu nous as montré, c'est un viol. Faut qu'il y ait un regard critique. Faut qu'il y ait un regard critique qui soit apporté là-dessus. On n'est pas rendu à ce que tout le monde comprenne que c'est un viol sans que ce soit dit en ce moment. C'est surtout que c'est principalement ça qui se passe dans les films. En fait, il n'y a aucune communication. On ne se demande jamais comme, si la fille est contente de ce qui se passe. Ah oui, puis la fille, elle peut genre rejeter le gars gros comme le bras pendant genre toute la moitié du film jusqu'à ce qu'à un moment donné, il l'embrasse de force puis qu'elle la fonde. Là, puis là, elle est comme trop contente puis elle adore. Secrètement, c'est ce qu'elle voulait, c'est ça. Puis il a juste comme insisté à parler. Oui, c'est ça. Puis comme... ça colonise bien plus un imaginaire que de la porn. Puis je pense que Charlie l'a vraiment bien dit. Puis je vais réaliser ce que Charlie a dit parce que c'était vraiment bon. C'est que quand t'écoutes un film, t'embarques dans l'illusion. Quand t'écoutes de la porno, Charlie l'a dit, là, tu le sais que c'est de la porno. Là. Tu penses pas que ça s'est fait dans la chambre à côté de chez vous. Là. C'est ça. Et sinon, pour revenir à la question, je pense que oui, c'est libérateur, mais oui, c'est apeurant aussi. Mm-hmm. Puis c'est apeurant justement parce qu'il y a très peu de représentations justes des lesbiennes queer dans les récits. Par les récits, on peut dire les films, la littérature, whatever, tout ce qui produit un discours, mettons. Et de ce fait-là, on a une énorme responsabilité quand on prend la parole sur ces sujets-là. Ouais, et on est vraiment comme, il faut qu'on pense à tout, en fait. Il faut qu'on pense à toutes les réalités, il faut qu'on pense à tous les sujets. Il ne faut pas qu'on oublie personne dans les films ou genre les choses qu'on écrit. Puis ça, c'est très compliqué parce qu'on est aussi des communautés qui sont rigides, mais qui sont aussi, tu sais, qui sont très à cheval sur le fait que, comme, il faut qu'on représente de la bonne manière les choses, tu sais. Et ça fait que, on est très, très exigeant et c'est difficile de prendre la parole, finalement. Ouais. Donc, il y a toujours cette espèce de peur aussi de, comme, représenter, comme, correctement. Puis, à quelque part, moi, je pensais à ça, je me disais, ah, mais en fait, peut-être que, finalement, le moment où... On va être bien représenté, peut-être qu'on va perdre notre subversivité, tu sais. Fait que peut-être que c'est ça aussi qui fait... que parfois, on ne veut pas être tant représenté que ça, tu sais. Mmh. Ben ça, c'est un sujet qui revient tout le temps. Là. Dès qu'on a de la représentation queer mainstream, t'as comme un half qui est super content puis qui est comme, oh, pense aux petits-enfants qui ont fait une représentation, puis t'as comme l'autre half qui est comme, encore quelqu'un qui s'approprie notre narratif. Puis c'est jamais simple, la représentation mainstream. Non, c'est pas simple. Puis ton film visibilise beaucoup l'expérience trans puis non-binaire dans la communauté lesbo-queer. Petite question, de même, légère. C'est quoi les défis en termes de lutte contre la transmisogynie intracommunautaire? C'est un énorme sujet. Je pense que c'est aussi une question qu'il faut adresser aux femmes trans, puis il faut que ce soit des femmes trans qui parlent de ça, évidemment. Moi, ce que j'ai entendu, vu, repéré ou répertorié à ce niveau-là, c'est clairement le fait qu'il y a un problème historique d'instrumentalisation de la question des agressions sexuelles pour exclure les femmes trans. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'on va se servir du prétexte des agressions pour dire, mais regardez, en fait, ce n'est pas vraiment une femme, c'est un homme qui commet des agressions. Ouais. Et ça... C'est terminé, là. Genre, définitivement. Genre, vous êtes essayé, ça a fonctionné comme... un petit bout. Oui. Là, c'est fini, là. On a compris, en fait. On a compris ce que vous essayez de faire. Il y a déjà, c'est non, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a un gros problème là-dessus. Puis on le voit aussi au niveau mainstream. Il y a quelques mois, dans Le Devoir, il y a un article complètement scandaleux de Nassira Belloula qui est sorti et qui parlait exactement de ça, là, instrumentalisait cette notion-là d'agression pour dire, mais regardez, en fait, ce n'est pas une femme. mais dans la communauté queer aussi, et notamment dans la communauté lesbienne, en fait. Oui. Historiquement, c'est un problème qui est enraciné, qui est ancré. Et en effet, c'est très problématique pour les femmes trans parce que ça empêche de parler de manière vulnérable du consentement. Mais ce qui est fou aussi, c'est que genre, les femmes trans se prennent une quantité mais inimaginable de violence. Genre, les personnes cis, mais inimaginable. Puis en fait, dans comment on parle d'elles, c'est tout le temps dans un truc de potentiel de violence, en fait. De quelle violence pourrait venir d'elles. Puis je suis comme, hey gang, pour vrai, là, pour vrai. Elles s'en prennent plein la gueule. Ouais. Genre, c'est elles qui s'en prennent comme pour... Oui. T'sais, vous autres, vous êtes juste dans des scénarios puis des fabulations, là, parce que vous voulez seulement invalider leur identité, puis c'est exclusivement ça le but, alors qu'elles, elles font juste s'en prendre plein la gueule. Cette année 2020, 331 femmes trans assassinées dans le monde. Oh my God. On est à moitié de l'année. Un petit peu plus qu'à moitié. T'es fou, hein? Quand même. Ouais. Quand même. Fait que, hein? Puis, pensez-y. Aussi, le fait de faire mousser les cas d'agression sexuelle de femmes trans, ça n'enlèvera jamais le fait que statistiquement, c'est la très, très grande majorité, plus de 95% des hommes cis qui commettent des agressions. Oui. Fait que, tu sais, genre, vous ne jouerez pas avec les statistiques anyway. Bel essai. Il y a aussi question du fait que, dans ton docu, même si on échappe au système hétérosexiste, c'est difficile d'échapper à l'hétéronormativité dans les narratifs sexuels, romantiques, où les femmes sont soit des objets, soit des fantasmes, mais jamais des sujets. Comment ça influence la communauté lesbo-queer, puis comment on s'en libère également? Moi, t'adores les grandes questions. Moi, le coming through avec des petites questions casual. Facile, c'est ça. Vite de même, là. On top of your hat, là. Genre. Comment on obtient la paix dans le monde? Il y a un grave problème avec la socialisation genrée et la socialisation des femmes, comme qui amène à la passivité et qui, comme je disais tantôt, fétichise vraiment le non-consentement. Et ça, c'est comme au niveau mainstream, là, c'est vraiment problématique parce qu'on n'apprend pas à connaître notre corps. On n'apprend pas juste à se masturber. Comme personne, on n'apprend pas à se masturber. On n'apprend pas à connaître nos désirs. On n'apprend pas à connaître ce dont on a envie dans la sexualité, puis être des sujets actifs là, de notre propre sexualité. Et donc, du coup, à pouvoir mettre en place avec nos partenaires une sexualité qui est épanouissante. Donc, il y a quelque chose, vraiment, il y a un énorme travail à faire. Là, comme quand il faut que tu rentres en recherche. C'est comme... Tu arrives, tu nais avec ça, là, comme quand tu grandis en tant que femme dans cette société-là. Et évidemment, la communauté lesbo-queer, ben, y échappe pas. C'est-à-dire que ce conditionnement hétéronormatif, même si t'es lesbienne, tu vas grandir dedans pareil. Tu grandis pas avec un manuel de la sexualité lesbienne, d'une part. Tu grandis pas non plus avec le manuel de sexualité, de pratique en lien avec le consentement. T'sais. Fait que c'est comme... C'est comme il y a beaucoup de travail de déconstruction. Puis je trouve ça intéressant parce que je regardais un film récemment qui s'appelle « Sous ses lèvres » qui est sorti en 2016. Puis l'équipe de ce film-là est majoritairement féminine. Puis c'est intéressant parce que c'est un film avec une histoire justement de lesbienne. Puis c'est une butch hyper, hyper cliché, là, comme butch qui travaille dans la construction, genre qui a déjà eu des histoires lesbiennes, toute sa vie, nanana, qui est super cute en plus. Yeah. Part-time lumberjack. C'est ça. J'essaie déjà avec quelques coupes de cheveux. Exactement. Là. Et là, évidemment, elle séduit une hétéra qui est fiancée avec un gars, etc., qui elle est beaucoup plus femme, évidemment. Et la manière dont elle agit avec elle, mais elle reproduit exactement les codes de l'hétéronormativité, en fait. C'est comme, c'est hallucinant, tu sais, elle, clairement, elle est hyper insistante, tu sais, elle la plaque contre un mur, elle l'embrasse un peu de force, tu sais, c'est comme, genre, vraiment, comme, tous les codes que tu peux voir problématiques, là, sur comme, comment il y a des interactions entre des gars et des femmes cis dans les films, mais c'est exactement ça qui reproduit, puis tu te dis... Waouh, ça vous tentait pas d'aller vers un autre imaginaire ou comme de produire autre chose comme discours, de montrer autre chose. Puis tu te dis, mais merde, comme si les lesbiennes sont représentées en plus encore de cette manière-là, tu sais. Ben, en tout cas, je sais pas, il y a comme quelque chose du fait que clairement on n'échappe pas finalement à ce conditionnement-là, tu sais. Et en même temps, vu que souvent, ben, quand on est dans des communautés queer aussi, on grandit avec, on peut dire, avec d'autres imaginaires aussi. ben on est un peu obligé aussi de le déconstruire. Fait qu'il y a comme une genre de tension entre, oui, on est pétri par ce conditionnement-là, mais en même temps, c'est dans nos corps et c'est dans nos sexualités qu'on est obligé de le remettre en question à quelque part, tu sais, puis de s'en échapper aussi, ou en tout cas de travailler pour s'en échapper, tu sais. Mais surtout que je m'excuse. Je t'ai dit, on est pétri par ces discours-là. Je peux pas insister. Ah! C'est beau, là. Je me sens, là, comme une future miche de pain sexuel. Pétri, c'est moins quelqu'un. Yes. J'adore ça. T'allais dire? Non, mais je trouve juste ça injuste aussi de plaquer des narratifs straight, puis de comme parce qu'il y en a une qui est virilisée, ben nécessairement c'est elle qui va être plus insistante, oui, ou whatever, alors qu'on sait là que cette cute butch là dans genre sa chemise carottée a fait des broderies chez elle, a se demandé si la fille avec qui elle jase depuis 2 ans est vraiment intéressée ou pas parce que son regard était un peu, tu sais, comme les mimes de genre lesbiennes qui sont capables de voir des narratifs saphiques dans genre des films hétéro où c'est vraiment dans le sous-texte, mais que genre quand ils sont une en face de l'autre à se regarder dans les yeux pendant fucking longtemps, à se jaser pendant full longtemps, ils sont juste comme mais tu down. Tu sais, comme... Clairement. C'est ça, tu sais. La fabrique du consentement, tu l'as dit toi-même, insiste moins sur l'agression elle-même que ce que ça apporte de rentrer dans le consentement. Et je trouvais que c'est un regard qui était vraiment intéressant. Il y a une partie où... je vais l'amener comme ça, c'était pas dit de même. Moi, je vais le dire de même. Là, mais il y a une partie où on explique un peu qu'on peut s'inspirer de la communauté BDSM. Mm-hmm. Qui, dans l'imaginaire collectif... Nous autres, on le sait. Là, le BDSM, là, c'est une pratique qui est construite, qu'il y a des choses à faire, il y a des codes, il y a du consentement. C'est pas vrai qu'il y a du fun à ne pas avoir le consentement de quelqu'un dans la culture BDSM. Il y a ce qu'on appelle souvent le safe word, il y a ce qu'on appelle... je ferai pas le tour là. Mais c'était vraiment intéressant de voir comment, justement, une culture comme le BDSM, qui est considérée dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de violent alors que c'est faux, peut être une excellente école pour comprendre c'est quoi le consentement, c'est quoi demander les choses, c'est quoi avoir un safe word, des affaires d'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres communautés ou d'autres pratiques desquelles on pourrait s'inspirer pour ouvrir notre consentement ou notre vie consentante? Moi, je pense que les communautés BDSM, en tout cas, sont en effet... une très bonne école, voire pour moi la meilleure école à date. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'historique de mettre en place des processus de négociation, de parler de sexe avec nos partenaires, de parler de limites. Ben, comme tu l'as dit, là, je pense que c'est vraiment hyper inspirant. Puis ça mériterait que des personnes qui ne sont pas dans ces communautés-là ou même ne sont pas intéressées par ces pratiques-là s'y intéressent quand même un peu, pas forcément pour les mettre en place dans leur sexualité ou leur pratique, mais juste pour voir, OK, c'est quoi les processus, c'est quoi les manières de discuter de sexe dans ces communautés-là, puis que ça puisse être transposé aussi dans d'autres formes de sexualité. Moi, je rêve qu'il y ait des processus de négociation dans des sexualités bannies, inspirées des processus de négociation BDSM. Je trouve ça comme extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres communautés? Moi, ma connaissance, à part des communautés qui ont développé, notamment plusieurs communautés féministes qui ont développé des ateliers d'éducation populaire sur la question du consentement, pour moi, c'est les deux choses que j'ai trouvées vraiment inspirantes au niveau des gens que j'ai rencontrés, en tout cas, à travers mon film. Après, je pense qu'au niveau de la danse contact, ça se pourrait aussi. C'est quelque chose que je voulais explorer, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je pense qu'il y a aussi des pratiques de consentement super intéressantes dans la danse contact. Et après, je pense qu'il y a aussi une communauté de post-porn qui met en place beaucoup de trucs intéressants et innovateurs et un peu révolutionnaires sur le consentement. Tu viens de parler de danse contact, ça me fait bien entendu penser à nos confrères et consœurs qui font du sex work. C'est mentionné dans le documentaire, puis ça aussi c'est quelque chose que je voulais highlighter parce que ça m'a vraiment interpellé. Consentement n'égale pas nécessairement enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, bien entendu, des gens qui font du sex work. Ça ne veut pas dire que ils et elles ne sont pas enthousiastes de leur travail, mais ça veut dire que c'est un travail, je veux dire. Peut-être qu'avec la personne qui sont là, ils sont pas comme « youpi, on va fourrer », c'est juste « that's what they have to do ». Même chose dans nos vies à nous, on peut essayer des affaires, puis peut-être qu'on trouvera pas ça le fun, mais sur le coup, ça n'en fait pas une agression, on t'a décidé d'essayer quelque chose. Et après ça, il y a l'aspect du « debriefing ». Qu'on en parle, que la prochaine fois j'aimerais mieux pas, ou j'aurais peut-être aimé ça comme ça. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une belle façon de construire sa vie dans un régime consentant. Tout à fait. Tout à fait. Puis justement là-dessus, pour moi, c'est un peu le centre en fait aussi du film, c'est de dire comme essaye des affaires en fait. C'est comme genre. Puis pas juste des affaires sexuelles, pas juste des pratiques générales. Essaye des pratiques en général, puis donne-toi le droit de dire que peut-être finalement tu vas dire mais j'ai pas aimé ça. Puis c'est full correct de pas avoir aimé ça en fait, puis d'être juste comme on le refera juste pas, genre. Oui, c'est ça. C'est pas grave, là. C'est comme, on l'a expérimenté. Puis de voir le sexe comme une expérimentation, je pense que pour moi, c'est une des choses quand même révolutionnaire, tu sais, que genre, il faut sortir des scripts écrits, mais il faut aussi se donner la possibilité, la liberté d'essayer des affaires, tu sais. Puis là, ça me fait penser aussi que, tu sais, je parlais des ateliers d'éducation populaire et tout, mais au niveau du consentement, il y a aussi des zines super intéressants qui s'appellent justement « Apprendre le consentement en 3 semaines ». Il y en a un deuxième qui est « Le cahier de vacances », sous le même titre. Et là-dedans, tu as une liste, beaucoup inspirée aussi des pratiques BDSM, avec tu as un listing de pratiques et tu peux regarder ça avec tes partenaires, puis tu peux cocher oui, non, peut-être. Est-ce que ça te tenterait ça ou pas? On envoie une copie, je pense, dans notre documentaire à un moment donné. C'est quand même assez cool, ça. Moi, pour vrai, de mon expérience de faire de l'éducation sexuelle dans des écoles secondaires, puis d'amener des ateliers avec un organisme aussi qui a une perspective queer féministe vraiment cool, j'avais beaucoup de latitude, tu sais. Je trouve que quelque chose d'extrêmement compliqué, c'était d'amener le fait que, justement, consentir, c'est le fun, puis c'est quand t'es prêt, n'importe quand, puis genre, c'est dans tes termes, puis y a pas... Tu sais, parce que au secondaire, l'idée, puis la pression qu'il y a un âge approprié, puis que les gars devraient vouloir tout le temps, puis que les filles devraient comme vouloir un peu, mais pas trop. Tu sais, c'est très codé, tu sais. Puis d'aller à l'encontre de ces codes-là, pour être devant des jeunes, c'est pas compliqué. Oui. Parce que c'est... Même si... ça peut ne pas nécessairement résonner avec leur réalité, tu restes un discours différent. Puis il y en a qui vont le pick-up, il y en a qui vont pas le pick-up, puis c'est correct. Ouais. C'est vraiment plus avec les adultes, en fait. Parce que si tu dis à des adultes que tu vas aller dire à des petites filles, non, mais pour vrai, là, si tu veux fourrer, fourre. Mais... Genre, fais juste, comme, assure-toi, comme, d'être à l'aise, de communiquer, de genre, tu sais, puis comme toutes ces affaires-là et blablabla. Genre, il y a des adultes qui sont comme, mais non, on peut pas, on peut pas. Puis t'es comme, ben, en même temps... On va leur dire de ne pas, tu sais. Fait que là, t'insistes beaucoup sur le... Ben, là, tu peux pas... Si on fait de l'éducation sexuelle qui est basée sur un modèle d'abstinence de le plus vous attendez, le mieux c'est. Ouais. Je veux dire, who's gonna believe you, là? Tu sais, comme c'est le meilleur plan pour leur... Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a... C'est comme... probablement le meilleur, le pire plan d'éducation sexuelle. Une autre affaire qui me fascine aussi, c'est... j'avais entendu parler d'un cours de bondage straight où, dans le fond, la personne qui te donnait le cours demandait au couple, parce que c'est des couples straight qui étaient là, c'est qui a eu l'initiative d'amener le couple ici, puis que genre 90% du temps c'était la fille. Je trouve que c'est quelque chose de tellement fascinant dans le truc de comme ben on prive les femmes du droit de juste vouloir être sexuelles puis avoir du fun avec le cul puis d'en parler puis d'être chill avec ça. Mais en même temps, c'est elles qui ont la responsabilité de genre d'être créatives, d'animer la vie sexuelle puis de vouloir faire quelque chose de plus parce que le gars, pour lui, genre c'est correct qu'il veuille juste genre stick it in and that's it. Puis je suis juste comme, c'est drôle parce que c'est les gars qu'on sexualise full puis qu'on valide full dans leur sexualité, mais genre ils vont pas nécessairement avoir la notion de comme créativité puis de travailler là-dessus. Alors que ça revient pas, je suis juste comme, damn, straight people are weird. Mais à l'inverse, et aussi dans la même veine, en régime queer, plus t'as eu d'expérience, plus que t'as fait des affaires wild sexuellement, plus que t'as eu de partenaires, il y a vraiment un régime de je suis cool quand j'ai... Je m'excuse, parce que moi, je suis pas la personne la plus horny du monde, puis genre, des fois, je suis comme, OK, guys, vous avez fourré toute la semaine, bravo, vous êtes excellente. Mais il y a des fois, il y a ce discours-là, il y a une espèce de compétitivité de qui c'est qui est le plus ouvert sexuellement, puis de qui c'est qui... Ça aussi, ça met une grosse pression sur beaucoup de queer. Mais, OK, hot take. OK. Hot take. Non, mais je comprends... Tu t'es senti attaqué? Non, je comprends... C'est-à-dire que je comprends que des gens puissent se sentir comme ça, mais en même temps, moi, je suis quand même dans un truc de genre... Mais pour vrai, c'est correct de fourrer autant ou aussi peu que tu veux. Puis tu sais, il y a plus un truc de comme, mais entre nous autres, on est capable de valider le fait que comme, s'il y a du monde qui se pète les bretelles sur à quel point il faut, good for them. Mais genre, moi, je vois pas ça comme non plus un standard de communauté de tout le temps performer à quel point t'es sexu. Ah non? Moi, je vois pas ça comme un standard de communauté. Mais vous avez l'air d'avoir plus de réticence. Moi, je trouve qu'il y a un standard aussi. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il y a quand même... Tu sais, moi, je sais là, qu'à un moment donné, tu sais, je sais, il y a une couple de boys que je sais que dans le temps où on pouvait être plus que 30 dans un espace fermé, là, qu'on pouvait sortir dans des endroits que s'ils vont venir me voir, ils vont se faire comme, oh my God, cette semaine, j'ai fourré. Puis je vais faire comme, good for you, girl. Genre, comme... What do you want me to do with that? Tu sais, je suis comme, veux tu dire un slow clap, genre tout va bien. Tu sais, ah, moi j'ai mais encore. Mais pour moi, c'est plus un truc de comme, ok, I roll, tu sais, c'est correct, on tire toute notre validation de sources différentes, puis ça a l'air très important pour toi. Je suis content pour toi, moi aussi. J'en tire une certaine validation d'être relativement une slot. On va appeler une slot une slot. Ah oui. Mais tu sais, mais c'est ça. C'est ma hot take. Je te filme, mais moi, je t'avoue que... Ok, non, vas-y. Je t'avoue qu'encore aujourd'hui, genre, je me sens pas hot de pas avoir plein de sexe avec plein de monde. Genre, des fois, même au micro de Fif le matin, j'ai beaucoup joué le jeu, genre, on est dans des slots, puis on est dans... Puis j'étais juste comme, parce que that's the mood, that's how we do things. Genre, puis un moment donné, j'étais comme, non, c'est pas ma vie pour vrai. Genre, puis j'ai senti que, que fallait que je fasse mon coming out de personne qui est pas si horny que ça, genre. Sorry, guys. Mes DM vont arrêter de buzzer toute la journée, j'imagine. Ah ouais. Alors, sur ces menteries. Sur ces mensonges et ces trahisons. On va aller se prendre un café. Ouais, le ciel des dieux aussi, là. Ah ouais. À tantôt. Fait qu'on est revenu de notre café, puis là, pendant notre petite marche pour aller se caféiner, là, Mathilde a pensé qu'elle pouvait get away avec nous dire des réflexions sur ce dont on venait de parler, mais off the mic. On était comme non. Si on se prend... Là, on prend le café, on revient, on s'installe, puis on continue là-dessus. Là. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est tellement dans des communautés où on a développé une subversivité au niveau de la sexualité, puis on a été obligé de le faire, en fait, parce qu'on s'est retrouvé à la marge, en fait. Oui. Eh bien, du coup, c'est sûr que c'est un sujet qui est devenu vraiment central, je pense aussi, dans la définition individuelle puis dans la définition collective aussi. Et donc, du coup, vu que c'est un sujet quand même central, mais c'est sûr qu'on en parle beaucoup, puis c'est vrai que comme il y a comme une certaine norme à atteindre, tu sais, pour être in dans cette communauté-là, en fait. Quand tu te sens comme la personne, genre, queer, mais non pratiquante. Ouais, comme, c'est ça, tu sais. Et du coup, ben, c'est comme, genre, oui, il faut que tu montres que t'as comme plein de partenaires, faut que tu montres que t'es comme super bon ou bonne pour faire de la séduction avec plein de personnes différentes, faut que, genre, tu performes dans tous les milieux, faut que, genre, t'aies du sexe dans des endroits badass, faut que t'aies comme plein de pratiques différentes, faut que t'aies plein de partenaires, faut que, genre, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi qu'on parle dans le documentaire, c'est comme le golden queer, mettons, tu sais. Puis ça fait un peu référence à ça, tu sais, cette espèce de super star, genre, qui est comme, ah oui, moi, j'ai comme aucun problème avec la sexualité anyway, genre, je me sens full à l'aise avec ça, j'ai plein de partenaires, genre, tu sais, fait que je pense qu'il y a quand même un truc de performance qui est compliqué, qui est complexe, notamment quand t'es pas à l'aise avec ta sexualité, quand en fait, la sexualité, c'est pas dans le fun pour toi, et quand c'est un sujet principal de conversation aussi, tu sais, dans ton milieu, tu sais, puis qu'au bout d'un moment, t'es comme, ok, mais genre, guys, on peut-tu parler d'autre chose, genre? Bon point. Très bon. Ben moi, j'étais déjà de ton bord. Là. Moi, c'était... On avait défini ça. Là, Charlie, je pense que tu voulais nous parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé. Ben, pour vrai, on s'est dit que c'était le moment de leur faire une place à notre émission. Ouais. Attachez vos tucs par la broche. Attachez vos tucs parce que, bon, c'est ça. On le dira jamais assez, là, les hommes gays, c'est les gosses straight de la communauté LGBT. Ceci étant dit, comme chaque lettre de l'acronyme est un monde à découvrir, les hommes gays ont des pratiques sexuelles bien à eux et des choses à apprendre au reste du monde quand même parce que c'est un point de vue spécifique. En effet. Dans la fabrique du consentement, il y a quelqu'un qui parle du fait que pour les lesbiennes, il n'y a pas assez d'espace où on peut aller pour avoir du sexe puis juste partir si on ne consent plus. Puis ces espaces-là existent pour les hommes gays. Genre, il y en a plein. Sauna, backroom, cruising spot. Non, c'est ça. Fait que c'est quoi les challenges en termes de consentement dans ces espaces-là, ceci étant dit? Parce que je trouve... Ah, t'as les espaces de cruising, sauna et autres? Ouais, c'est ça. Dans ces espaces-là de socialisation sexuelle où comme, ben, c'est vrai qu'au final, tu peux juste partir. C'est pas weird. C'est pas comme quand soit t'es sur une date, t'as ramené quelqu'un chez vous, soit t'es dans un contexte très genre, là, t'as invité la personne chez toi, puis là, si ça te tente plus, c'est comme... C'est plus d'implication émotionnelle de faire comme, hey, pour non... Ouais. Tandis que là, tu sais, c'est genre whoever the fuck tu viens de rencontrer au GI et que tu commences pis t'es comme hey listen, this is not it. Genre tu peux juste t'en aller puis genre il va trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est plus facile. Je pense que on en avait parlé un peu dans l'épisode sur le cruising, mais je pense qu'une des choses qu'on peut apprendre, c'est que c'est pas obligé d'être verbal. Je me rappelle Hugues qui était venu, il nous disait ben tu sais, une des bonnes choses à faire, c'est commencer les attouchements sur soi. Ouais. Je pense que ça, c'est une des choses qu'on a beaucoup mis en place dans les communautés gay hommes ou male presenting. Puis je pense que c'est une des choses qu'on peut apprendre de ce milieu-là, c'est justement encore là, faut-il avoir les endroits? Nous, c'est facile d'avoir des endroits où on peut commencer à se toucher sur nous autres, mais au centre d'achat. Oui, c'est ordinaire. Non, je pense qu'au Carrefour, ça va être bizarre. Là. Ça prend les endroits appropriés, là, tu sais. Mais aussi, je pense qu'il y a des codes clairs de comme, ben, tu sais, un eye contact, c'est un eye contact. Si la personne, elle te regarde pas, elle te regarde pas, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas une sorte de. Puis, mais je pense que c'est vrai que dans ces espaces-là, il y a des gens qui respectent pas le consentement. Puis moi, il y a un truc aussi où, genre, c'est des espaces. Ah, ben oui, qui ben sont... oui. Mais c'est ça, mais c'est des espaces qui sont intimidants parce que c'est vrai qu'il faut que tu rentres là avec l'assurance que tu peux dire non. Tu te sens correct de dire non parce que, je veux dire, moi, les premières fois où je suis allé, j'étais comme, hey, sacrament, là, tu sais, tasser des mains. Tu sais, quand, parce qu'il y a un truc, surtout, c'est un truc où, genre, les gens, ils jouent la masculinité, tu sais, c'est comme, tu sais, hey, on se parle pas, là, on est masque, on ferme nos gueules, puis on fait juste pas amener, puis on tu sais, mais c'est vrai. Ah, sacrament qu'il y en a, là, mais c'est vrai, que c'est vrai que c'est un peu ça, la règle, tu sais, moi, des fois, genre, aller au sauna avec des amis juste pour être chaotique, puis genre. Chiller ensemble, puis genre là, on parle, puis on est loud, puis les gens sont comme, oh wow, genre, voir que vous ouvrez des loud facts dans l'espace, puis on est comme, hey, pour vrai, on n'est pas dans le backroom à côté du sling, du gars qui se fait des calistés en train de genre parler du dernier album de Beyoncé, là, c'est correct, on est dans une chambre. Là, il y a des gens qui pensent que c'est une bibliothèque ou une banque, là, le sauna. Là. Je suis comme, guys, on peut parler d'avoir du fun. Là. Ouais, c'est, oui. Actually, c'est probablement la chose qu'on devrait le plus faire, genre, dans un sauna, c'est se parler d'avoir du fun first. Ben, mais alors, la négociation se fait très peu de manière verbale, c'est ça que je comprends. Très peu. Ben, je pense qu'il y a des trucs clairs de comme, veux-tu venir dans ma chambre? Ça, c'est comme, ok, c'est un cue de comme, ok, tu serais rendu à comme faire autre chose. Mais tu sais, comme, c'est vraiment très. En même temps, moi, le truc du genre au feeling, je trust plus des hommes gays juste parce que, genre, ils se sont fait dire toute leur vie qu'ils étaient valides dans leur désir puis qu'ils pouvaient juste go for it. Fait que, tu sais, puis ils se perçoivent de la même manière, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a un truc. Avec les hétéros, du moins avec genre la misogynie des hommes straight, puis le fait que genre on deny le fait que les femmes peuvent avoir des désirs, que genre ils ont pas d'empathie, puis ils se permettent tout, puis c'est fucked up. T'sais, moi je me dis le nombre d'affaires que tu peux faire au sauna, puis le fun que tu peux avoir, puis que tu sais, genre, je sais pas, là, t'enligner 5-6 gars, là, genre n'importe quelle fille dirait de manière ouverte qu'elle fait ça, ce serait fini, là, les gens seraient scandalisés. Ah oui, comme, ah ben oui. Can a girl have some fun? Mais est-ce que c'est quelque chose qui est recherché de ton expérience dans la communauté lesbo-queer? Est-ce que les gens sont comme, pourquoi on s'emporte-tu un spot de cruising? Genre, est-ce que tu... Moi, je trouve que clairement, c'est des espaces qui nous manquent. Puis je dis mon avis, mais je pense que c'est un avis qui est partagé par plusieurs personnes dans la communauté. C'est comme, moi, j'ai le sentiment qu'on a tellement perdu tous nos espaces. Ah, ben, on n'a plus de bars lesbiens. À Montréal, c'est juste. On n'a plus d'espaces sociaux. On est comme, genre, où est-ce qu'on se rencontre pour vrai? Où est-ce qu'on peut connecter avec notre communauté? Genre, comme, pour vrai, moi, je suis contente de l'avoir trouvé, ma communauté, mais genre, j'aimerais pas être une jeune lesbienne de 20 ans qui est genre comme, qui habite en banlieue puis qui sait pas où aller. Tu sais, genre, dans le sens que je suis comme, pour vrai, c'est comme, c'est pas évident. Puis tu vas dans le village, on s'entend que genre, il y a aucun espace pour les lesbiennes. Ouais, là, genre, tragédie, c'est la tragédie. Puis c'est comme, OK, comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer? Puis c'est même pas genre pour avoir du sexe, là, c'est juste pour se rencontrer. Oui, c'est ça. C'est comme la base. Il y a même pas de sexe là, dans l'histoire. Là, puis en plus de ça, on n'a pas genre d'espace juste hot pour aller puis genre comme faire du sexe de manière facile. Tu sais, c'est comme, ça fait que genre les lesbiennes développent, tu sais, c'est comme, c'est vraiment plus compliqué de rencontrer du monde, c'est plus compliqué d'avoir du sexe juste pour du sexe. C'est comme genre, là, tu dates quelqu'un, c'est compliqué, faut que tu le dates à plusieurs reprises. Puis là, genre comme, les lesbiennes parfois sont un peu coincées. Fait que là, c'est comme, il y a comme quand même vraiment plein d'enjeux. Puis là, finalement, après, genre, tu couches avec, puis là, t'as l'impression que faut que t'achètes le frigo avec. Tu sais, c'est vraiment il y a vraiment cette espèce de truc que, cette mythologie, moi, je rêve de la lesbienne. Je rêve d'un espace gay lesbien finalement, tu sais, genre d'un espace comme lesbien mais qui fonctionne un peu comme les espaces gays. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un cabanon qui pouvait s'aménager derrière le Galion, mais moi, c'est juste de vous dire que j'ai eu. En plus, tu sais, comme, pour vrai, cruising spot / librairie, ce serait tellement comme peak lesbien. Non, mais écœurant, là. Ça, là, c'est vraiment une tapette 6. Il veut vous laisser un cabanon. Moi, c'est pas moi qui ai dit qu'il y avait un cabanon libre derrière le Galion. C'est pas moi qui a amené le fait qu'il y avait un cabanon libre derrière le Galion. C'est pas moi qui a lancé l'idée. Je récupère l'idée de gens et je l'amène au micro pour la lancer si jamais il y a des gens qui ont du temps, de l'énergie, qui sont handy enough pour l'aménager. Moi, je pense que vous pourriez trouver bonne entendeuse. Je dis ça, je dis rien. Dans notre mansuétude, si on va vous laisser une chaise à quelque part. Là, toute la gang de Légalian va écouter le podcast, vont faire « Ta gueule, Charlie, là, le monde, ils ont pas... » Mais en même temps, I'm sure they would live for it. En tout cas, demandez-leur, là, ouais, je veux allez, plus, là, je... c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc Légalian, si vous nous écoutez, on attend votre... Ah! On attend la backroom. Ouais, sinon, en termes d'espace sexuel et sociaux, l'Internet, l'espace number one des hommes gays. Oui. Comment Grindr, Scruff, BBRT, Gay41, la gang IRC. C'est quoi BBRT? Bareback Real Time. Ah, ça existe? L'interface est dégueulasse, là. Ah, c'est écœurant, là. C'est comme, je sais pas, là, Adam for Adam ou genre Manhunt. Okay, c'est des vieux sites, là, genre. C'est, mais moi, je trouve que c'est d'une poésie. Ouais. Moi, je vais pas pour hook-up, j'y vais pour comme la littérature. anyway, toutes ces déclinaisons de sites de rencontres, surtout sexuelles, est-ce que ça crée des outils ou des barrières à pratiquer le consentement? Ben, moi, du coup, je pense que j'en réponds un petit peu des deux. mettons, j'aurais abêté. Mathilde, mettons. Est-ce que ça crée des outils ou des barrières? Ben, je pense en effet un peu des deux. Moi, j'ai l'impression que un des trucs positifs avec Internet, c'est que tu as des possibilités de négocier des choses en étant chez toi, derrière ton ordi, derrière ton cellulaire ou whatever, puis d'être posé, puis de pouvoir comme réfléchir aux trucs que tu proposes ou aux choses que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Fait que je pense qu'il est comme... C'est comme dangereux l'interface, mais en même temps, c'est positif aussi. Il y a comme... Je trouve qu'il y a, il y a quelque chose qui est anti-rencontre concrète, mettons, puis en même temps, il y a quelque chose qui peut être protecteur à quelque part. Ce qui est cool, c'est que tu peux magasiner des pratiques puis vraiment négocier ça. Ce qui devient un peu trash, c'est que l'Internet n'est pas un monde qui est complètement exclu de la réalité, puis le rapport de pouvoir qui existe dans la vie existe sur Internet. Fait que là, ben, tu peux magasiner des corps, en fait. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est tous les rapports de pouvoir qui rentrent en ligne de compte, genre rentrent en ligne de compte, là, fait que... Puis moi, je discutais cette semaine, je ne sais pas qui je parlais de ça, mais j'étais comme, je vais prendre Grindr comme exemple, dans la communauté gay-homme, il y a comme deux cultures qui se rencontrent, parce que tu as la culture du cruising et du sauna, etc., etc., etc., qui pourrait être perçue comme un transfert numérique dans Grindr, mais c'est aussi une culture du networking et du dating. Puis là, maintenant, c'est bien parce que dans le profil, carrément, dans les choses que tu peux dire, que tu peux dire non, je ne veux pas de nudes, etc. Les gens, malheureusement, ne lisent toujours pas les profils. Ça serait intéressant de le faire pour commencer. Mais bon. Puis là, tranquillement, pas vite, ça se clarifie un peu. Mais pendant longtemps, Grindr, c'était juste un champ de bataille entre la romance est morte puis je veux fourrer dans la prochaine demi-heure. Oui. Quand même encore un peu. En tout cas, c'est encore un peu ça, mais... C'est quand même. Mais... Mais ouais. Y a-tu ça, le régime lesbo-queer? La romance est morte, on peut plus... La romance est morte? Ah, on a bien des tapettes là, qui pensent qu'on est trop sexu, puis que la romance est morte. Mais okay, y a un truc non, où... Non, je pense pas. Mais y a un truc où comme, je comprends les tapettes qui ont une fatigue de comme, OK, à un moment donné, on peut-tu arrêter de juste chercher the next hot thing, venir, partir, puis juste comme back on the chase suite après? Ouais, comme ça va la consommation sexuelle. En même temps... Je trouve que genre de les gens ont tendance à être vraiment dans du lamentage puis du self-pitying puis du genre moi ce que je voudrais serait juste avoir t'es comme cool, je pense pas que c'est comme ça qu'on score des relations. Ouais. Genre ça te rend pas nécessairement full genre je trouve qu'il y a des manières d'amener ça, fait que des fois ça peut tomber dans genre la ramasse est morte. Mais moi je pense j'aurais vraiment tendance à dire que en tout cas dans les communautés lesbiennes que je connais ou que je fréquente, c'est un peu l'inverse, en fait. Les romans sont là, mais il n'y a pas beaucoup... Ben, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à du sexe, juste comme du sexe sans engagement, qui n'aura pas d'implication, ça va juste être vraiment du sexe pour du sexe, comme limite négocier très clairement, whatever. Je trouve que c'est ça qui est plus difficile d'avoir accès que la romance. En fait, la romance, pour vrai, je trouve qu'elle... Je ne vais pas dire qu'elle est facile d'accès, mais elle est quand même à portée de main, disons. C'est ça qui est deg aussi. On parlait tantôt de comment que, ben, même si on est queer, on n'échappe pas à genre la socialisation hétérosexiste. Là. Ça, c'est en plein dedans. Là. Genre, comment ça que comme gay men peuvent genre fourrer à l'infini, mais que genre trouver un partner puis juste être cute, genre ça semble impossible. Comment ça se fait que genre pour les lesbiennes, c'est super compliqué de juste fourrer? Puis que, genre, c'est surtout des romances. Puis que tu vas avoir des lesbiennes qui vont avoir, genre, 5-6 partenaires de toute leur vie, là. C'est comme 5... Comment tu développes une sexualité intéressante avec, genre, 5-6 partenaires pour vrai, genre... Ben, t'as pas le temps d'expérimenter grand-chose. T'as pas, t'sais... À moins que ce soit des partenaires de longue date, mais... Ça se peut aussi, mais comme... En tout cas. Puis, fait que dans le fond, ce que je comprends, là, vous excuserez la binarité de mon exemple, mais je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est un wall of death, tapette contre dyke... Qu'on se rentre dedans, puis que ça fasse comme dans Freaky Friday. Puis là, on switch de culture, puis on essaye. On les mélange. Ou ça se mélange. Ça se mélange. Je pense que les deux non, mais pour essayer l'autre. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait En fait, c'est, ben là, ça implique de trouver un moyen de devenir straight, puis juste être prêt à être straight tout ensemble, puis juste rendre toutes les straight queer, comme ça, on est comme là, vous autres, vous avez le temps d'apprendre, vous avez bien des autres, tu sais, comme gérer ça, là. Tandis que nous autres, on va juste comme s'injecter de l'attirance les uns pour les autres, puis comme vibe with it, parce qu'on a assez réfléchi. Ce serait une expérience intéressante. Quand même intéressant, mais je tiens quand même à dire que les lesbiennes ont vraiment du bon sexe aussi, par ailleurs. Oui, maman! Dans le sens que comme, je veux pas non plus donner une fausse image du sexe des lesbiennes. Non. Pour vrai, les lesbiennes, c'est, avez-vous déjà vu des documentaires sur les animaux des fonds marins, genre? Qui reste, tu sais, mettons. J'ai une belle métaphore qui s'en vient. Okay, les créatures des fonds marins, ils peuvent rester sur place et économiser leur énergie pendant vraiment longtemps parce qu'ils savent pas quand la nourriture va venir. Mais quand la nourriture vient, ils mangent. Ils mangent, la gang, ils se nourrissent, là. J'ai l'impression que ça. En tout cas, moi, j'ai plusieurs amis qui se sont reconnus là-dedans. Puis je suis comme, tu sais, des fois, ça peut sembler le désert, là, mais quand tu trouves l'oasis, par exemple, sacrament que ça a l'air le fun, c'est que tu te laisses bien calice. En tout cas. Wow, j'adore. Ben, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire. OK, mais moi, je me demande justement pour revenir au gogué qui zingue pendant une demi-heure puis qui viennent puis que c'est fini puis qui ne se reparle plus jamais. Est-ce que d'avoir des occasions de manière récurrente d'avoir du cul, ça nous rend meilleurs à pratiquer le consentement ou ça nous rend plus juste pressés puis impatients puis genre mechanical about it? Ça, en tout cas, je pense que pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, ça dépend probablement de à quel point tu es prête pour être vulnérable. Parce que, tu sais, il y a deux façons de pratiquer du sexe avec plein de monde. Tu peux, puis c'est correct, avoir une certaine addiction au sexe, puis juste enchaîner les gens. Ou c'est vraiment dans une perspective d'ouverture où t'aimes ça, essayer des affaires avec essayer du monde. Ça peut être les deux en même temps. C'est ça, je pense que. Ça peut vraiment être les deux en même temps. Je le peins moi-même comme. Mais tu sais, comme, c'est plus complexe que ça aussi, là. Je le comprends très bien, tu sais. Puis je veux dire, as someone who fucks his problems away dans vie en général, je veux dire, ça fluctue, puis je veux dire, il y a aussi du très bon cul qui vient, il y a aussi comme, c'est ça, je veux dire, il y a une multiplicité d'expériences parce qu'il y a une multiplicité d'occasions aussi, tu sais. Puis moi, je pense que ça rend meilleur parce que tu te connais très bien, puis aussi, tu te sens pas menacé d'essayer des nouvelles choses parce que tu es capable de te mettre en contexte, puis tu fais confiance à ta capacité aussi de reconnaître quand, genre, ça fonctionne moins bien, mais c'est vrai que tu vois du monde qui était comme, hey, mon Dieu, là, tu sais, genre, le monde sur Grindr, que tu leur as pas répondu en 4 minutes, puis qui sont comme, moi, c'est quoi, t'es pas intéressé, puis t'es comme là. Ah oui, il y en a vraiment qui s'imaginent que je vais sortir de chez nous tout nu en courant, là, puis. Oui, c'est ça, ou tu sais, dans des trucs très. Alors que je ne sors seulement lors d'une pleine lune qui tombe sur Pâques, là, fait que. Ah! Et moi, il y a aussi le truc de comme, tu sais, je sais pas, là, les gens qui demandent encore des stats, t'es comme, ok, fait que là, tu veux vraiment un chiffre, parce que là, si la longueur de mon pénis dépasse pas tel numéro, là, tu veux absolument pas, t'es comme, demande une photo, puis je juge sa photo, calice, de... Ou genre, tu sais, des affaires de même que je suis juste comme... C'est vrai que ça peut devenir vraiment comme consumériste, genre. Mais aussi, est-ce que le fait d'avoir justement des occasions vraiment récurrentes, d'avoir accès à du sexe, est-ce que ça fait pas aussi que tu considères que ta manière de faire ta sous-culture à toi, elle se vaut vraiment plus que toutes les autres, en fait, tu sais, puis que genre les codes que tu vas établir, tu sais, les tiens, tes codes à toi, en fait, si t'es face à comme quelqu'un qui a complètement d'autres codes, est-ce que t'es prêt à les entendre, à voir, puis à essayer de fonctionner différemment? Ah, mais OK, ça, il y a un truc, là. Gay men will try, genre, all the fucking things, mais ils vont, genre, juste coucher entre eux autres, là, tu sais. Il y a un truc aussi où, genre, comment ça se fait que, genre, en général, pour les femmes, c'est vraiment plus facile de, genre, d'être bi ou pan, ou d'essayer des affaires avec d'autres personnes, de pas nécessairement penser au début qu'elle est nécessairement bisexuelle, mais comme d'arriver à ça, tandis que les hommes qui sont comme, ah, moi, je suis gay. Tu sais, comme, puis je pense pas qu'il y a un truc de... Ouais. C'est pas par hasard que, genre, ben, tu sais, là, faut pas non plus invisibiliser les hommes qui sont bi et pan, mais c'est vrai qu'ils sont moins visibles, ils sont moins out there, puis qu'il y a un truc où, genre, les hommes gays sont très rigides avec leurs pratiques, ce qu'ils font, qu'ils se sentent compris entre eux, puis ils vont pas se mettre en danger à justement sortir de ce cadre-là, d'aller dans d'autres trucs où c'est pas nécessairement qu'il y aurait pas de désir, que ça leur tenterait pas, parce que dans des conversations privées avec des hommes, tu vas souvent entendre « Ah oui, telle fille, j'ai trouvé vraiment ça. Ah, j'aimerais ça. Ah, mais je veux. » Tu sais, c'est des trucs qui reviennent souvent, là. Mais, fait que, non, attends, t'as mis le spot, là, sur le... Tu sais, quand tu... Tu sais, quand tu vas chez l'ostéo, là, puis qu'elle dit « Hey, t'as-tu mal, là? » Puis t'es comme... C'était là. tu sais, pour revenir parce que tu posais la question, est-ce qu'avoir de multiples partenaires, ça aide à, avoir des à améliorer nos pratiques de consentement? Mm-hmm. Puis je pense que c'est vrai puis c'est pas vrai, parce que aussi, des fois, le fait d'avoir un partenaire ou une partenaire sur un plus long terme, avec une plus grande confiance, tu vas être plus à l'aise de demander, mm-hmm. d'essayer, de jouer, mm-hmm. d'embarquer dans des affaires que tu n'as jamais faites. Encore une fois, ça dépend vraiment de la personne que t'es. Il y en a qui vont aimer ça, essayer avec plusieurs personnes puis essayer des affaires. Ouais, il y a des gens qui sont plus en confiance. Plus wild, là, je veux dire, t'as le droit de te crosser, puis ça peut être wild de se crosser. Là, mais... ah, ça... Believe me. mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui se sentent vraiment plus à l'aise d'essayer des affaires wild avec des inconnus, puis que, attends, le gay man, là, dès qu'il y a l'ombre de peut-être le spectre d'une possibilité d'attachement. Ouais. Ils sont juste comme, ah, là, ils ont peur de communiquer, puis là, ils sont juste comme, Puis, je veux dire, parfois aussi, si t'es avec le ou la même partenaire pendant super longtemps, oui, tu peux, il y a comme un niveau de confiance qui se développe, et donc, du coup, tu peux amener à poser plus, faire plus de propositions, mettons, pour essayer des nouvelles affaires, oui, mais en même temps aussi, tu peux justement faire trop confiance à des pratiques que t'as, et donc, du coup, oublier de demander des trucs, ou comme moins checker, ou genre comme être plus dans tes habitudes. Fait que, tu sais, c'est comme, genre, il y a comme... Comme tu disais, là, ça dépend vraiment de qui t'es et où est-ce que t'en es rendu dans ta vie, en fait. Là. Puis comment t'es capable aussi de te questionner sur tes propres pratiques. Oui, ben, de toute façon, je pense que c'est le sujet de ton documentaire, c'est un peu le sujet de l'épisode aujourd'hui. C'est dès qu'on se met à parler de consentement, tranquillement, pas vite, les choses changent. On demande des choses. Ou, à tout le moins, on en apprend sur nous-mêmes. C'est ça. Parce que moi, déterminer ses limites, c'était pas dans mon vocabulaire pendant très longtemps. J'étais juste, comme, je suis confortable, je suis pas confortable, puis je me posais pas vraiment de questions. I'm just glad to be here. Oui, c'est ça. Je suis juste content de participer. I like it, I don't like it. Oui, ça allait comme pas moins que ça, puis j'étais comme... Puis un moment donné, ben, t'apprends que tu peux demander des affaires, tu peux essayer des affaires que tu penses que t'aimerais pas avec quelqu'un ou whatever. Puis c'est là l'importance aussi, c'est de s'ouvrir. Mais c'est comme une longue route, mettons. Ah, ça, faut c'est que t'acceptes de rentrer dedans. C'est un marathon, dedans. C'est pas un sprint. Mm-hmm. Oui. Non, puis aussi trouver des manières de mettre ses limites aussi. Parce que des fois, l'enjeu aussi, c'est pas de mettre ses limites, c'est les conséquences qui viennent avec mettre ses limites, que ça refroidit. Fait que tu sais, c'est aussi de trouver des manières de sentir que non seulement tu respectes tes limites, mais aussi que tu es capable de le faire. De manière à ce que genre tout le monde se sente confortable puis que genre qu'il y ait d'autres possibilités même si celle-là c'en est plus une. C'est ça. Puis ça veut pas, c'est pas parce que tu dis ça me tente plus que il y a rien qui me tente du tout en fait. Non, t'as le droit de réorienter, t'as le droit de comme proposer autre chose de différent, t'as le droit de pas vouloir là puis de vouloir genre 5 heures plus tard, tu sais. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais des gros enjeux de genre j'avais de la difficulté à quitter des hook-up grinders que j'aimais pas là. Genre mettons j'étais chez eux, j'étais comme waouh, comment je dis ça genre. Mais on a tellement été formé par une relation sexuelle, c'est make-out, pénétration, orgasme. Ouais. Si t'as pas check-in ces trois boîtes-là, ta date a mal fonctionné, t'as pas eu une bonne relation, whatever. Mm. Puis moi aussi, là, il y a eu un moment donné, je me rappelle même quelqu'un qui désirait arrêter. Genre, moi, j'étais allé chez quelqu'un, puis j'ai fait comme, ah, OK, c'est chill, on arrête. Puis là, la personne, elle me regardait, puis elle était comme, t'es pas fâché. Genre, la personne s'attendait à ce que je fasse une scène parce qu'on avait pas couché ensemble, j'étais comme, ben non, tu veux plus. Puis la personne était legit surprise, genre, en tout cas, ça en dit long sur le comportement de certaines personnes. Ouais. Mais genre, moi, c'est un souvenir qui m'a marqué. Là. J'étais comme, for real, genre, tu te sens mal d'avoir. Non, j'étais comme, non, je suis vraiment désolé si c'est ma faute que tu te sens mal d'arrêter. Genre, j'espère que j'ai pas été insistant, whatever, mais comme. Ça m'a choqué. Mais non, puis il y a aussi un truc de comme, ben, tu sais, c'est plate si j'enjoyais ça, mais c'est mieux d'arrêter parce que tu le filais pas. Ben oui. De me sentir hurt parce que je suis comme, mais là, moi, je voulais ça. T'es comme, ben, le secondaire aussi. Oui. C'est correct. Oui, puis en apprenant à communiquer nos limites, on comprend pourquoi les gens le font puis on devient beaucoup plus réceptif. Ouais, ça va dans les deux sens. Puis plus on se prend aussi des refus puis des non, plus on se rend compte que les oui qu'on a reçus, c'est des vrais oui. Puis plus on est capable de recevoir des non et soi-même de d'en amener des noms, en fait. Mais OK, hot take again, mais je trouve que, genre, parler de comment qu'on... De recevoir des noms puis d'être chill avec ça, je trouve qu'il y a comme un espèce de sous-texte de comme, ouais, mais si tu reçois des noms, c'est que, genre, dans le fond, t'es pas si hot que ça. Je suis comme, non, bitch, tout le monde reçoit des noms. Oui. Tout le monde reçoit des noms. C'est clair. Genre, tu peux pas... Tu sais, même, genre, que la plus socially attractive personne ever va recevoir des noms. Oui. Va probablement avoir plus de difficultés à prendre. Mais tu sais, comme, on reçoit tous des noms, puis c'est correct. Genre, ça détermine pas ta valeur, ton attractiveness, non, ton... complètement. Puis aussi, recevoir un nom, ça veut dire que t'as ouvert une porte, t'as ouvert un dialogue, puis t'as fait une proposition, puis t'es juste comme, bravo, en fait, genre, c'est pas évident de le faire. C'est cool que tu l'aies fait, genre. Très bon point. Je pense que ça peut être une belle conclusion, ça. Ah ouais. Non. Non. C'était pas drôle, hein. On continue. Non, on arrête. Non. Alors, ben, là, quand les deux on dit non, on fait quoi, lui? Ah, ben là, je sais pas. Hey, malaise. Pace stop, là. Pace stop. It went wrong. On s'en va chercher un dernier petit café pour bien. Ou pas. OK, fait qu'on est revenu de notre phase du non. On a dit oui à un café. On était bien contents. Puis là, on a la patate qui pompe et c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci tellement, Mathilde, d'avoir été avec nous autres. C'était tellement le fun. J'étais vraiment contente d'être ici. Ah, puis yes. Merci beaucoup de m'avoir invité dans le fond. Entre producteurs et productrices de contenu, est-ce qu'on s'entend bien? Fuck up, Carlis. Mathilde, t'as-tu des affaires à plugger? Ouais, ben c'est ça que je voulais dire, c'est que si les gens veulent suivre le film, être au courant des prochaines projections, il y a une page Facebook, ça s'appelle La Fabrique du Consentement. Regarde, laisse beaucoup rire, c'est très facile à trouver, fait que vous pouvez suivre la page et toutes les infos qui vont être là-dessus. Oui, ben on va la share sur tous nos réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur ces 10 réseaux, vous pouvez nous retrouver en écrivant. C'est un beau segway, là! Ah non, c'est bon, là! Hey, je capotais. Non, non, non, non. Mais moi, j'ai pick-up! C'est excellent! Là. Demain matin, je travaille à C'est quoi? Tasse-toi, Normand Vratoy, j'arrive. Vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux de l'allure en tapant, comme toujours, 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I, parce qu'on veut pas se faire chat dans la police des mœurs, 2 fifs le matin, en un mot. Et c'est tout pour cette semaine! Yeah! Merci les Moons! Bye les Moons! À la semaine prochaine! Bye.